stupidement. Je peux mourir d'un coup subitement. Je pourris comme un fruit à mûrir rapidement. Les jaloux vont maigrir et finir anorexique. Plus je connais les hommes et plus je deviens narcissique. L'amour humide qui meurt avec le temps, c'est l'écroulement. Je vis pas comme une aimant. La solitude m'attire comme un aimant. À trop subir, j'ai envie d'évasion. Ma vision s'affaiblit à l'horizon. La ruse me fuit, j'écris l'esprit me suit. Je me confie dans dépit et sans répit. Je dois me protéger face aux amis. L'amitié est visible comme un ovni. La sermité se nie tous mes homies. Certains sombres dans la tise. Y'a celles qui baissent pour de l'argent, celles qui sont cul pour une histoire de gland. Vos discours, le discours, vois mon discours comme un appel au secours. Ne prends pas les gens pour des cons, mais n'oublie jamais qu'ils le sont hier. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Je saisis ma chance avec prudence et j'avance. Même si parfois je fais preuve de nonchalance. Comme si j'étais un joueur de ligue de haut RC Lens. Les regards m'emprisonnent, y'a trop de questions qui résonnent. Si la vie m'empoisonne, c'est bien le rap qui me passionne. 18 piges je me façonne, j'attends mon heure qui sonne. Désolé je recommence, j'entends mon heure qui sonne. Un mec timide à la base, j'emmerde vos jugements ça m'agace. Votre monde n'est pas à la page remplie de belles garces. Je fais confiance en personne, c'est déjà dur de croire en soi. Je recule pas dans la merde car je garde toujours la foi. Je vais pas chialer, t'inquiète moi c'est déjà pas soprano. Déjà je me bats tout dans mélancolique comme le piano. Mon parcours est rempli rature d'aventure et de fautes. Je prends plus de carton que Claude Makelele. Dédicace à DJ Jock, faut vos médias à la télé. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Lorsque j'écris ailleurs libre, le cœur hurle. Je suis allergique à vos livres, je les brûle. Malgré les regards des autres, bon ou mauvais, on pourra pas nous stopper dans mon projet. La rime, je progrès, à la recherche du progrès. On croit connaître la vie, tandis qu'on se connaît pas soi-même. Les années passent, je grandis très vite comme les problèmes. Parfois je fais marche arrière sur l'autoroute de ma peine. Et je vois la hache du diable qui tente passer ma ken. Un jeune avance sa souffrance, c'est comme un alcoolique qui a voulu être jamais à jeun. Dans cette souffrance, l'alcool, c'est l'acolyte face au mal-être. Beaucoup m'aiment pas, car j'ai un arsenic. Box les mots comme arsenic. Aujourd'hui je rappe ma vie à chaque couplet. Au micro la faucheuse menace à l'aide de son couperet. Le rap dans les veines, un faux pas elles seront coupées. Je suis jeune essoufflé mais pas encore étouffé. Le regard d'autrui me détruit. Mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis je le resterai, pour certains c'est très navrant. Le regard d'autrui me détruit. Mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis je le resterai, pour certains c'est très navrant. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Le regard d'autrui me détruit, mais je reste en vie, c'est chaque jour la survie. Le destin me donne le tournis, j'attends le bon tournant. Insoumis, je le resterai, pour certains c'est très navrant. Denja, piano du bitume, Didi Joe, yeah. Ok, ok, écoute ça, ouais.